Le serpent se révéla être la plus prudente de toutes les bêtes sauvages des champs qu'avait fait Dieu. Il se mit donc à dire à la femme, « Est-ce que vraiment Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger. Mais pour ce qui est de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne devez pas en manger. Non, vous ne devez pas y toucher, pour que vous ne mouriez pas. » Et le serpent dit à la femme, « Assurément, vous ne mourrez pas. Car Dieu sait que, le jour même où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront à coup sûr, et qu'à coup sûr vous serez comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. » Alors la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, et que c'était quelque chose d'enviable pour les yeux. Oui, que l'arbre était désirable à regarder. Elle se mit donc à prendre de son fruit et à en manger. Ensuite, elle en donna aussi à son mari, quand il fut avec elle, et il se mit à en manger. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils commencèrent à se rendre compte qu'ils étaient nus. Ils cousirent donc des feuilles de figuier et se firent des pagnes. J'ai sublimé l'acte de créer. J'ai l'abîme et la faculté de fouetter. J'ai sauvé l'âme de ce que l'on dit pieux. Moi j'ai su t'ouvrir la porte des cieux. Je suis l'homme qui crée l'homme qui crée Dieu. Aujourd'hui, je place ta science en ligne de mire. Avec toutes ses compétences au service du pire, au service du pire, au service du pire. J'ai fabriqué ce que tu appelles les œillères, et maintenant plus à personne tu ne peux faire. J'ai monté en exergue l'innocence de ton enfant, tu sais exagérer, mais à aucun moment tu ne mens. Tu oublies sûrement que le Père Noël n'existe pas. Mais pourtant, c'est bien toi qui lui as appris ça. Des permissions, simple développement de la création. Ton résultat appelé la solution. Tu as simplement posé l'opération, la complexité de ta maison n'est certainement pas le fruit d'un pont, mais celle du proton. Ne t'évoque rien de plus quatre crons, rien de plus quatre crons. J'ai créé la guerre que tu aimerais placer juste sous l'enfer. J'ai façonné le paradis, tu n'y vois que tes amis, mais j'y envoie tes ennemis aussi. J'ai inventé l'argent pour que toi, homme, tu puisses te croire puissant. J'ai bâti des murs géants d'indifférence afin que tu rejettes la différence. Je suis le monstre que tu as créé, je ne suis pas Dieu, son opposé. Qui doit périr, qui doit souffrir, je tape au hasard, je ne veux pas choisir, mais tu te dépêches. Je suis le grand manipulateur. La faune et la flore me nomment Seigneur, Seigneur. Je suis la pensée divine. J'adore danser sur mes ruines. J'ai sublimé l'acte de créer. J'ai l'abîme et la faculté de fouetter. Sauver l'âme, moi j'ai su t'ouvrir la porte des cieux. Je suis l'homme qui crée à Dieu. Je me retourne et contemple mon œuvre. Je l'ai semé, tu as récolté la couleuvre, la couleuvre. J'ai créé et marqué l'histoire. Je suis celui qui a le pouvoir, qui a le pouvoir. Dans le sang et l'inégalité, voilà dans quoi tu aimes régner. Tu as oublié le mot chose à accepter. J'ai lancé la haute technologie censée élever l'esprit. Tu y as juste trouvé le bon prix. A défaut de sauver la vie, je t'ai donné la réflexion. Tu te comblais dans l'inaction. Je t'ai écrit la révélation. Mais tu n'y vois qu'une extermination, qu'une extermination, qu'une extermination. J'ai créé mille et une merveilles, mille et une merveilles. J'ai même insufflé les rêves qui accompagnent ton sommeil. Je t'ai donné tout ce que tu pouvais imaginer. Je t'ai offert la capacité de regretter. Pour que tes larmes occultent le fait d'échouer. J'ai joué le monstre que tu as créé. Je ne suis pas Dieu, ton opposé. Qui doit périr, qui doit souffrir. Je tape au hasard, je ne peux pas choisir ta responsabilité. Que tu sois visible ou masqué. Prouver qu'il existe quelques personnes avisées. Ouais, j'ai pas compris de qui parlait là. Hein, tu t'es pas senti visé quoi? Bah non. Bah il parle de ça, je crois. Ah.